besoin de me rassembler avant de repartir, de réapprendre l'immobile avant l'errance, de me réajuster à l'impassible. À quoi donc servirait de parcourir le monde si j'ignore tout de la colline qui jouxte ma maison? Enfant, je voulais déjà inventorier toutes les fleurs, toutes les plantes de mon jardin, en surveiller les moindres insectes, dénombrer l'infini, en somme, le grouillement, énumérer la multitude, apurer la profusion des choses. Il m'est resté de cette époque un goût microscopique pour le monde, la passion de l'infime, le désir de devenir un jour le géographe des brindilles. Jacques Lacarrière, L'écriture et la vie. C'est un bon vivant, c'est la vie dans son sens le plus profond, hein? C'est-à-dire tous les sens, la sensualité, mais une sensualité qui va transformer les choses en esprit. De tout ça, je pense que c'est peut-être, je crois que c'est peut-être le regard. Je le vois comme une observation profonde de la nature des autres. Écouter avec les yeux. Et aussi, l'œil a des... C'est un organe, se nourrit de lumière. C'est quelque chose de très important. Une sensation qui ne détruit rien. Et qui se nourrit par contre. Et Jacques, je pense, c'était un homme de regard. Ce qu'on peut déjà, dans cette petite conversation qu'on a aujourd'hui, de retenir... C'est ce savoir regarder les choses, les grands et les petits, hein. Ce que je vois de lui, moi, c'est souvent il parle, enfin en tout cas dans un livre, je crois que le premier. Gilles Lapouge. Le premier chapitre est consacré à ses pieds. Souvent il parle de ses pieds. C'est très beau, d'autant que. En général, on considère les pieds comme un peu ordinaires, parfois vulgaires. Or, il leur donne une noblesse. C'est la même noblesse que tous les grands prophètes ont beaucoup usé leurs pieds, de Jésus-Christ à Bouddha, y compris et Mahomet, enfin tous. Et Abraham, Moïse, n'en parlons pas. Enfin, ils marchaient tout le temps, ces gens-là. Alors, pour moi, c'est ça. Il y a un titre de livre de Jacques Lacarrière qui est « Chemin faisant ». Mais le chemin faisant, je crois qu'il veut le prendre dans tous les sens. Et surtout... l'amplifier au maximum, c'est-à-dire il a cheminé toute sa vie partout. Et on s'aperçoit qu'il a touché à un nombre de domaines, de départements, de compartiments absolument très très rares aujourd'hui. Je n'en connais pas comme ça parmi nos contemporains qui avaient une curiosité aussi légère, aussi fraîche toujours, mais aussi universelle. Un jour, j'allais un matin comme ça au muséum, je ne sais pas pourquoi, au département des pierres. Et j'avais jamais parlé de pierres avec Lacarrière, moi. Et moi, je ne suis pas un spécialiste des pierres du tout, mais je ne sais pas pourquoi. Il y avait une raison qui faisait que je devais aller là. Et je vais là, et je rencontre Lacarrière, qui était tout seul, et il regardait les pierres avec beaucoup... Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, mais ça m'intéresse bien, les pierres. Et puis, il se met à me parler des pierres, et c'était... éblouissant, surtout de connaissances. Il savait les pierres, il les connaissait. Alors, il y a d'autres gens qui connaissent les pierres, mais lui, il connaissait de la même manière les libellules, les insectes, les étoiles, même la haute physique d'aujourd'hui. Il est allé au CERN, etc., et pour voir. Il s'intéressait à tout. Et tout ça, je crois que ça avait presque une valeur ontologique, c'est-à-dire que ce qui lui plaisait dans l'homme, il n'était pas religieux, je pense. Il considérait que ce qu'il aimait dans l'homme, c'était que l'homme était l'univers tout entier, contenait les étoiles, contenait les plantes, contenait les crapauds, contenait tout. Et ça, c'est l'homme. Il dit une chose très rigolote, par exemple, je pense que c'est... Enfin, je ne sais pas, ça me paraît bizarre d'ailleurs, mais en tout cas, son intention est bonne. Et il dit que si nous avons 5 doigts aux pieds et à la main, c'est parce que le sélacanthe, qui est un poisson qu'on trouve à Madagascar et qui est vieux de... 500 millions d'années, peut-être 400 millions d'années, mais qui vit, c'est un survivant, a des nageoires avec 5 petits doigts comme ça. On a l'impression qu'il est presque rassuré de savoir que nous sommes de la poussière, des châtaigniers, du tilleul évidemment. Et par l'analogie, il est très proche de la science, Jacques. Là, et ça, il faut le comprendre aussi comme une autre nuance de son approche poétique. Oui, je me suis amusé, je ne les connaissais pas, à rechercher tous les noms des os qu'il y a dans le pied. C'est fabuleux, il y a un monde dans les pieds. Il y a les cunéiformes, il y a l'astragale, il y a le tendon d'Achille, il y a les phalanges, enfin, il y a le tarse. Et ce sont des noms qui sont très poétiques finalement et qui vous ouvrent les portes d'un monde bien différent de celui du pied. Ça, c'est aussi, enfin, disons, une petite et absurde peut-être parodie du début de l'Iliade, n'est-ce pas ? Je chanterai les pieds et que la muse m'inspire, car c'est évidemment un sujet qui prête à sourire. J'ai sous les yeux Maurice Petit, le... de l'avoir rencontré. Il nous avait envoyé un petit texte un jour pour la revue Gulliver où il disait « Être cultivé, aujourd'hui, ce n'est pas lire Tacite ou Homère dans le texte, cela c'est de l'érudition. Ce n'est pas non plus connaître par cœur les composantes chimiques du sol de Mars ou de Saturne, c'est tout simplement admettre jusqu'à sa propre création la culture des autres. C'est même au besoin se mêler à elle et la mêler en soi. Être cultivé aujourd'hui, c'est porter en soi, à sa mort, des mondes plus nombreux que ceux de sa naissance. Être cultivé aujourd'hui, c'est être tissé, métissé par la culture des autres. » Et alors ça, Jacques, de ce point de vue-là, c'était vraiment un exemple. Est-ce que sa rencontre avec le bouddhisme tibétain l'a changé ? Il avait de longs moments de fraternité et de rencontre avec Kalu Rinpoche. En même temps, ça paraît assez naturel de passer des gnostiques, des ascètes du désert, oui, des soufis anatoliens ou même des cathares au bouddhisme. Ça tout ça, c'est très très proche. Ça n'a pas changé, mais il a rencontré justement un monde qui lui était proche, qui portait en lui. C'était très important. Changer, non, mais c'est une rencontre très, très, très forte. Et puis aussi parce que ce monde et ces gens, ce qui est important, c'est la responsabilité de la personne elle-même. C'est pas un Dieu qui vous dépasse, une chose qui vous dépasse, qui est essentielle. Ce qui est essentiel, c'est sa façon d'être dans sa propre vie. Et la responsabilité de chacun. Son destin. Voilà. Le Dieu est à et le soufisme, c'est pareil. Les grands soufis disent mais la seule religion, c'est l'homme. On ne parlait pas de ça, on ne parlait pas du noir de la guerre, on était dans un état d'excitation, d'enthousiasme permanent. C'était extraordinaire, on habitait à côté de Saint-Sulpice, on marchait pieds nus dans les rues, c'était idiot, mais c'était rigolo quand même. Mais pour tout ça, pour des bonnes raisons, pour avoir un contact avec la mer, nature, je ne sais pas, enfin, à travers les pavés de Saint-Sulpice, c'était très dur. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette fraternité, ce partage, cette générosité totale, un type comme La Carrière l'a conservé intact toute sa vie, quelles que fussent les épreuves que, justement, ce choix de vie lui a imposé ensuite. Je ne suis pas du tout écrivain de bibliothèque. Je suis plutôt de nature nomade, et puis j'aime beaucoup la rencontre avec les autres, j'aime aller au-devant des autres. Mais en même temps, pour écrire, il faut un état de concentration, de méditation, de retrait. Donc c'est comme les diastoles et les systoles. Il y a un moment où on va vers l'extérieur, et un autre moment où on se replie vers l'intérieur. Et c'est cette respiration, pour moi, qui fait l'écriture. Il y a un stade, du dépôt, de la déposition d'écriture, qui se fait fatalement, pour moi en tout cas, dans des moments de sédentarisme. Je me compare à un moine dans sa bibliothèque, et puis le reste du temps, il y a le parcours du monde, enfin du monde, qui peut être aussi le parcours ou la rencontre avec des idées ou des hommes, hein, c'est pas seulement le voyage au sens géographique, mais enfin qui est effectivement la quête, aller ailleurs, rencontrer le monde d'aujourd'hui, ou rencontrer le monde d'autrefois, voyager, et qui est le déplacement, disons, et qui n'est pas nécessairement... l'origine de l'écriture. Hein. Je ne voyage pas uniquement dans l'intention d'écrire. Et je l'ai accompagné donc au début, hein. C'était je crois en 72 je crois, sur la route de chemin faisant. J'ai fait quelques centaines de kilomètres, pas plus. Mais racontez-nous justement cette expédition à travers la France. Alors je quittais Patmos et le rêve de l'île. Et je me suis arrachée à Patmos et je devais accompagner, rejoindre un petit peu Jacques qui était dans le Morvan, il était le Morvan. Je suis donc arrivée sous la pluie à Château-Chinon avec un sac à dos, moi qui n'aimais pas marcher, avec plein de foulards dans ma poche parce qu'il ne fallait pas que ce soit lourd et j'aime bien changer de vêtements quand même assez souvent. Et cette marche... a commencé de façon impressionniste, merveilleuse, il faisait très beau, c'était en septembre. Et là, on a vu qu'on pouvait vraiment vivre ensemble. Ça partait d'où, ça allait où? Alors moi, je suis allée de Château-Chinon à Saint-Flour. Et puis Jacques a continué jusqu'aux Corbières. Mais c'est de pouvoir être... petit à petit, on porte le même regard sur le paysage, sur les gens, les choses. Mais moi, je n'aurais pas su les transcrire. Et les faire partager. J'avais fait un petit article autrefois, il y a très longtemps, sur les voyages, pour les nouvelles littéraires, et j'avais intitulé, croyons bien faire, j'avais intitulé ce texte « Je n'ai jamais voyagé pour écrire ». Et je m'explique très bien en quelques lignes sur ce que je veux dire. Je veux dire que je ne suis pas un écrivain touristique qui va explorer une région pour en faire ensuite un récit qui va devenir un livre pour les gens qui veulent y aller. Je ne savais pas que j'écrirais l'été grec quand j'étais en Grèce. Et quand j'ai fait chemin faisant, c'est-à-dire quand j'ai traversé la France à pied, j'avais pas l'intention particulièrement de faire un livre. J'ai commencé le livre 2 ans plus tard seulement. J'avais bien l'intention d'en rendre compte, mais je ne savais pas si ça serait possible d'abord. Et je n'ai pas fait ce déplacement pour faire un livre. Mais comme ça fait partie de ma vie que je suis écrivain à plein temps, si je puis dire, évidemment, je peux aussi parler des voyages comme je pourrais. Le pays sous les corps, c'est un voyage immobile, celui-là. Mais c'est aussi un voyage, malgré tout. Donc, je n'ai jamais voyagé dans l'intention, ensuite, nécessairement, de tirer substance, livresque, de tous mes voyages. Il n'empêche que ce titre était très ambigu, puisque... je ne sais plus qui a écrit une nouvelle littéraire par la suite. C'est bien ce que je pensais. C'est bien la preuve que Jacques Lacarrière n'a jamais mis les pieds en Grèce ni en France et qu'il a rédigé tous ses livres assassins. Il a compris que j'avais jamais voyagé pour écrire. Alors je m'étais mal expliqué, donc. Et voyager, se déplacer, aller à la rencontre du monde, et puis d'un autre côté, écrire, ce sont les deux faces d'un ensemble qui consiste à, je dirais, tour à tour, ou à s'enrichir, ou au contraire, à devenir l'étranger de soi-même. Il avait une définition assez belle pour parler du voyage. Il disait, le but du voyage... aucun, si ce n'est de perdre son temps le plus féeriquement possible, se vider, se dénuder, et une fois vide et nu, s'emplir de saveurs et de savoirs nouveaux, se sentir proche des lointains et consanguin des différents, se sentir chez soi dans la coquille des autres, comme un Bernard l'ermite. mais un Bernard l'ermite planétaire. Ainsi pourrait-on définir l'écrivain voyageur, crustacé, parlant, dont l'esprit, dépourvu de carapace identitaire, se sent spontanément chez lui, dans la culture des autres. En fait, il se voyait comme ça, en Bernard l'ermite planétaire. Moi, je